Un syndicat est une organisation politique et sociale qui défend les intérêts des travailleurs. Lorsque les travailleurs ne sont pas satisfaits de leurs conditions de travail, ils ont la possibilité de se syndiquer pour exprimer leur mécontentement et négocier des revendications. Les principales causes de conflits sont la montée du chômage, l'augmentation de la durée du travail hebdomadaire, le recul de l'âge de la retraite. Les employés recherchent une amélioration des conditions de travail. Si le gouvernement et les syndicats ne tombent pas d'accord, cela peut entraîner des conflits sociaux. Une grève, c'est-à-dire un arrêt volontaire du travail. On dit « faire la grève », un gréviste. Une manifestation, c'est quand les gens défilent massivement, en grand nombre, dans la rue, pour exprimer une revendication ou un désaccord. Manifester, faire ou suivre une manif, participer à une manifestation, un manifestant. Une pétition, une demande écrite adressée au gouvernement ou à une personne de pouvoir, signée par un grand nombre de gens. Dans une manifestation, les slogans ou les mots d'ordre, phrases de revendication criées, scandées par les manifestants, sont repris sur des banderoles, grandes bandes de tissu imprimées de slogans et de revendications, et sur des tracts, papiers distribués aux passants. Les manifestants se trouvent parfois confrontés aux forces de l'ordre, la police.